Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous. J'avais envie de commencer cette présentation en disant « Je me présente, je m'appelle Thierry, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé. » Ouais, mais ça n'a aucun rapport avec l'émission de ce soir. Cette émission de ce soir, c'est la saga des Fab Four, l'émission sur les Beatles, sur John, Paul, Ringo et George, tous les mercredis, entre 20h et 22h02, à peu près. Et ça dure depuis très très longtemps, depuis 12 ans sur RIG et depuis 35 ans bientôt, dès qu'on démarrera 2019, ça fera la 35e année que cette émission existe. Et vous êtes là soit sur le 90.7, en train d'écouter dans la région bordelaise obligatoirement, parce qu'il ne faut pas exagérer sinon, soit ou dans la région bordelaise ou n'importe où ailleurs sur www.rigfm.fr. Et je vous en remercie. Parce que c'est vraiment génial de vous savoir là. Et de vous savoir aussi sur le groupe La Saga des Fab Four, le groupe Facebook La Saga des Fab Four. Vous demandez à nous rejoindre. On est de plus en plus. On était, il y a 2 ou 3 mois, à moins de 700 membres. On est à plus de 720. C'est toutes les semaines, ou presque, il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. Et sachez que moi, ça me réjouit. C'est vraiment génial. Merci à vous tous et toutes. Bon. De quoi allons-nous parler cette semaine? Eh bien, nous allons parler de Abbey Road, le fantastique album de 1969. Curieusement, l'avant-dernier album, chronologiquement par rapport aux sorties, mais en réalité, le dernier album enregistré par les Beatles, la Der de Der, puisque Let It Be est resté dans les placards pendant quasiment un an, Il était enregistré début 69, il n'est sorti qu'en 1970. Et ils en ont fait un dernier pour dire on va pas se terminer sur un truc comme Let It Be où ça montre qu'on est en train de se séparer. Allez, on fait un dernier chant du cygne, un dernier truc. D'ailleurs, est-ce qu'ils le savaient? Oh, ils devaient s'en douter un peu quand même. Mais ils ont fait un dernier effort et ça a été vraiment génial. On en parle dans quelques instants. On va écouter Come Together, Something, Maxwell Silverhammer, Octopus's Garden, I Want You, She's So Heavy et l'intégralité de la phase B d'Abbey Road. Vous ne rêvez pas, l'intégralité de la phase B d'Abbey Road. Mais comme c'est un album absolument génial, pour une fois, on ne lance pas tout de suite la musique. Et je voulais vous présenter cet album. 7 ans après leur premier enregistrement à Abbey Road, les Beatles y revinrent pour ce qui allait être leur dernière série de séances ensemble. En juin 1962, les Beatles étaient 4 jeunes provinciaux aux yeux écarquillés, fiers d'entrer dans le monde de la musique. En juillet 1969, ils étaient devenus des êtres raffinés et désabusés, rongés par les conflits de pouvoir et d'intérêts. Les chansons d'Abbey Road reflétaient leur frustration. Elles parlaient de négociations juridiques, de dettes impayées, du fait de s'être fait avoir, de mauvais karma et d'avoir apporté le monde sur ses épaules. L'une d'entre elles ironisait même sur le marteau d'argent prêt à vous frapper dès que les choses semblaient s'arranger. Malgré cet état d'esprit, ou peut-être grâce à lui, Abbey Road était un cadeau d'adieu remarquablement inventif. On y trouve 2 des plus belles chansons de George, Here Comes the Sun et Something, un manifeste lennonien Come Together, qu'on va écouter dans un instant, et un fascinant medley de chansons inachevées, magnifiquement conjuguées par Paul. George Martin se souvient que Paul était venu le voir après l'enregistrement de Let It Be et lui avait demandé de produire un album des Beatles dans le style de ce qu'ils faisaient ensemble auparavant. George Martin avait répondu qu'il était tout à fait prêt à le faire s'il était certain de la coopération des 4 Beatles. C'est comme cela que nous avons fait Abbey Road, mais ce n'était pas vraiment comme à la grande époque. Cette fois, il retravaillait de vieilles chansons et faisait venir des musiciens extérieurs. Abbey Road, sorti en septembre 69, est resté en tête des charts britanniques durant 18 semaines et 11 semaines aux États-Unis où il ne sortit qu'en octobre. Voici la première chanson, Come Together, on se rassemble sur RIG. Together devait être à l'origine l'hymne de campagne de la tournée électorale de Timothy Leary, qui avait décidé de présenter sa candidature pour le poste de gouverneur de l'État de Californie lors de l'élection de 1969 contre le futur président des États-Unis, Ronald Reagan. Il se trouve que il avait demandé à Lennon de lui faire un thème. Lennon avait pris sa guitare et s'était mis à développer un thème autour de cette phrase « Come together right now, don't come tomorrow, don't come alone, come together right now over me, all that I can tell you is you got to be free. » Rassemblez-vous maintenant, n'attendez pas demain, ne venez pas seul, rassemblez-vous maintenant autour de moi. Je ne peux vous dire qu'une chose, vous devez être libre. Lorsqu'il eut développé plusieurs versions du même genre, il enregistra une maquette et donna la bande à Leary, qui a fait passer la bande sur toutes les radios alternatives de Californie, et qui pensait que le thème lui appartenait. Mais 7 semaines plus tard, après leur rencontre, de retour à Londres, John avait enregistré à leur insu une version de Come Together avec les Beatles. Elle sortit en face B de Something, le premier 45 tours extrait de Abbey Road. Finalement, la campagne de Timothy Leary fut brutalement interrompue en décembre 69 parce qu'il a été inculpé de possession de marijuana et il a été incarcéré. Et la première fois qu'il a entendu cette chanson Come Together sur l'album Abbey Road, il a été stupéfait. Tant les paroles que la musique de cette nouvelle version constituaient sans doute un progrès par rapport au thème de ma campagne, mais j'étais tout de même fâché que Lennon m'ait aussi superbement ignoré. Je lui ai écrit pour lui faire part de ma surprise et il m'a répondu avec son charme et son esprit habituel qu'il était un tailleur et que j'étais un client qui avait commandé un habit et qui n'était jamais revenu. Il avait donc pris la liberté de le vendre à quelqu'un d'autre. Fair play, moitié, mais bon, quand même. Bien, John Lennon. No hell below us. imagine no possession. John Lennon n'était pas un paradoxe près. En 1971, cette belle chanson pour la paix, qui est ô combien d'actualité pour que tout calmer les esprits, etc. Imaginez que tout le monde vive ensemble et dans la paix, ce serait vraiment génial. Et sur le même album, il y avait la chanson How Do You Sleep, dans laquelle il était extrêmement vache avec Paul McCartney. McCartney lui a répondu, déjà sur les albums que vous connaissez, mais sur la ressortie de l'album Wildlife Special Edition, qui va arriver dans très très peu de temps. On a enfin ce que j'avais, on va dire, en pirate, enfin ressorti en vrai, la chanson qu'il ne faisait que en concert en 1972. Cette chanson, c'est Dear Friend. Et sur cette chanson, eh bien, il dit qu'il rêve de son meilleur ami, et surtout, comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Une très très belle chanson, qui n'a sans doute pas sorti de manière officielle jusqu'à maintenant, parce qu'il y en avait déjà une autre chanson sur l'album Wildlife, donc Dear friend, mais non, c'est celle-là, je me suis trompé, c'est celle-là qui est la chanson sur Wildlife qui est très bien. L'autre en live, ce sera pour une autre fois. Different. revenir sur ce que j'ai dit au début en me mélangeant les pinceaux. Cette chanson « Dear Friend » existait déjà sur l'album « Wildlife ». Sur la ressortie de Red Rose Speedway, et j'ai le coffret, je l'ai depuis ce soir, il y a la chanson « Best Friend » qui est un live qui a fait lieu en 1972, dans laquelle c'est le même thème. Il parle de John et il regrette que ça se passe aussi mal. Comme il avait déjà sorti cette chanson « Dear Friend », il a dû se dire « c'est pas la peine de faire doublette, triplette, quadruplette, on la sort pas ». Et c'était dommage parce que cette chanson était très très bien. Maintenant, dans quelques jours, elle va être officielle puisqu'elle sort sur le coffret Red Rose Speedway que j'ai aussi le coffret Wildlife, donc je n'ai plus un sou, mais c'est pas grave, c'est pour la saga des Fab Four et c'est très très bien. Lui, c'est George Harrison en 1970 sur l'album All Things Must Pass et ce titre Let It Down sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four, c'est sur RIG, oui je l'ai dit, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h, cette saga est la numéro 395. We'll be right back.

quand vous pensez que George a d'abord proposé Something à Joe Cocker et à Jackie Lomax, il n'a décidé qu'en mai 1969 de l'enregistrer avec les Beatles pour Abbey Road. Something fut un immense succès et devint la deuxième chanson des Beatles la plus reprise après Yesterday. Elle fut chantée notamment par Ray Charles, Frank Sinatra ou Smokey Robinson et bien d'autres. Oui, monsieur, dame, encore Ringo, mais Ringo avec ce fantastique titre de 2015 que j'adore, Postcards from Paradise, sur RIG. RIG, c'est 90.7, c'est la radio des Beatles. I sat here, there and everywhere, until I saw you standing there. I am the greatest fan of you. And love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine. And getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by. Alors franchement, vous arrivez à m'ensoleiller ma soirée, même s'il fait nuit, parce que on discutait sur Facebook là avec Stella et avec Sophia des pancartes qu'il y a eu pendant le concert, et notamment il y a eu la pancarte de la chanson que je rêve d'entendre en début de concert, So Glad to See You Here. Et c'était la marque que, oui, au soundcheck, il a vu les pancartes, Paul McCartney. Il les a lues même, So Glad to See You Here. Et elle me marque, au moins on aura fait le maximum. Je me souviens que pendant le soundcheck de Bercy en 2016, il avait souri à notre réaction enthousiaste au début de Let Them In. Résultat, Let Them In faisait partie de la setlist à Lyu Arena. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour So Glad to See You Here. Non mais là ça y est, je suis parti pour... J'ai des frissons, je rêve. Merci d'avoir écrit ça sur Facebook, j'adore. Après tout, if you believe, ça arrivera peut-être. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. L'avantage de ne pas vous mettre la programmation sur le groupe Facebook, par exemple, c'est que je peux changer selon mon bon vouloir. Et comme tout à l'heure, j'avais fait une petite embrouille avec la chanson Dear Friend et la chanson Best Friend, eh bien, je vous la propose maintenant, celle qui, jusqu'à présent, n'était qu'un pirate et qui était, avait été chantée en 1972 et puis laissée tomber après. Eh bien, elle ressort sur Red Rose Speedway et c'est bien, c'est très très bien écouté. Je l'ai eu un petit peu en avance parce que lorsqu'on l'achète sur iTunes, eh bien, il libère les chansons progressivement avant la date. Donc, ça fait partie du coffret du renouveau de cet album Red Rose Speedway que je vous conseille d'acheter. Et d'ailleurs, depuis ce soir, j'ai les deux coffrets et donc on écoutera ça dans les semaines à venir. C'est une certitude. Revenons à l'album de la semaine. Si vous le voulez bien, je sais que vous le voulez bien. Et je vais faire même une doublette. J'ai envie, puisque j'ai envie qu'on écoute l'intégralité de cet album. Voici Maxwell Silverhammer par les Beatles sur Abbey Road, et juste après, à la suite, il y aura Octopus's Garden, la deuxième chanson écrite par Ringo. Joan was

swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden. Si vous aviez participé au concert, enfin été présent, je veux dire, au concert du mois de juin à Paris de Ringo Starr, il en a parlé de cette chanson Octopus's Garden. C'est la seconde chanson de Ringo pour les Beatles. Octopus's Garden, le jardin du poulpe, lui fut inspiré durant les vacances, bien méritées parce que c'était le bazar chez les Beatles, il en avait un petit peu marre, prise en famille en 68 en Sardaigne. Lorsque Ringo refusa sa proposition d'un repas de poulpe, le capitaine du bateau commença à lui raconter tout ce qu'il savait sur ces animaux. Il me racontait qu'il parcourait le fond des mers et ramassait des pierres et des objets brillants pour se construire des jardins, expliqua Ringo. J'ai trouvé ça fabuleux, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais bien envie de me reposer au fond de l'eau, moi aussi. J'étais parti en vacances parce que j'avais envie de m'éloigner un peu, si on peut dire, voilà. Et bon, c'est une chanson sympa, tout à fait dans le style de Ringo. C'est là. Absolument, c'est la saga des Fab Four sur RIG et voici George Harrison en 2002 sur l'album Brainwashed avec ce titre Run So Far sur RIG. RIG c'est 90.7, c'est la radio des Beatles. Only cette chanson, il l'avait passée à son pote Eric Clapton en 1989, donc des années auparavant. Il l'avait chanté Eric Clapton sur son album Journeyman, très très bon album que je vous conseille. Je vous conseille également un autre album, celui-ci, le nouvel album de Paul McCartney. Il s'appelle Egypt Station, voici Hunt You Down, Naked et Sea Link sur la RG. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. John Lennon en 1975 sur l'album Rock and Roll avec une voix extraordinaire sur des titres qui lui collent à la peau. C'est vraiment un excellent album, vraiment un excellent album. On revient 6 ans en arrière pour revenir en 1969 et l'album Abbey Road. Les paroles de I Want You, She's So Heavy dans lesquelles John répète le titre de la chanson Je Te Veux et annonce que ce désir le rend fou. Furent lus sur le plateau du programme télévisé 24 Hours, un magazine d'information de la BBC, pour illustrer les banalités de la pop musique. Cela rendit John furieux parce qu'il était convaincu que la simplicité même de cette chanson en faisait une composition supérieure à Eleanor Rigby ou I Am the Walrus. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une régression, mais d'une économie de langage. I Want You est une chanson d'amour pour Yoko, forcément, dont il admit l'influence sur son nouveau style de composition. Heureusement qu'il l'a pas fait très longtemps, ce nouveau style de composition. Disant qu'il espérait pouvoir un jour composer la chanson parfaite en utilisant un seul mot. Par exemple, pour prouver le manque de talent de Madame Yoko, un poème de Yoko écrit en 64 se composait d'un seul mot, eau, water. Et il faut avoir énormément de talent pour écrire juste un mot, water, et prétendre que c'est un poème. Bon, en tout cas, pour cette chanson, I Want You, She's So Heavy, c'est l'une des... Elle est absolument fantastique parce que les paroles sont simples, d'accord. Mais la musique derrière, quel chef-d'œuvre. ça se termine comme ça. Quelle superbe chanson. L'année prochaine, ça fera 50 ans que Abbey Road est sorti. Et gageons que l'année prochaine, on aura le droit aussi à un coffret, on espère bien. Et que ce coffret va nous coûter 1,5 million. Mais c'est pas grave, on l'achètera quand même. Parce que cet album, c'est une merveille, une pépite. Quelque chose d'extraordinaire. Bien, allez, nous allons passer à... la cover, je vous avais prévu comme cover le nouvel album de Louis Bertignac, qui est un album de reprise, ça s'appelle Origine. Il a repris en français des chansons qu'il aime, quelquefois en faisant le texte directement, soit quelquefois en arrangeant un petit peu le texte pour que ce soit plus compréhensible ou mieux en français. Et puis, eh bien, j'ai réfléchi à la date et aujourd'hui, ça fait un an que Johnny Hallyday nous a quittés, donc j'ai changé. Donc la chanson d'après, ce sera bien While My Guitar Gently Weeps, qu'on aurait dû entendre, puisque la chanson que je vous proposais, c'était « Et ma guitare », donc la reprise de « While My Guitar Gently Weeps ». On change, on passe « Je veux te graver dans ma vie ». Et sur les conseils d'Eric, c'est la meilleure version de « Je veux te graver dans ma vie » au Parc des Princes en 2003, si je me souviens bien de ce conseil. Hommage à Johnny Hallyday dans la saga des Fab Four. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. En route, je l'ai subi, il a fallu que je te trouve. Soudainement, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré fort. Ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi. J'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je veux te graver dans ma vie. Oh, dans ma vie. Je veux partir, j'aime courir, et quand tu viens, je veux rester. Quand je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas, pas à tout ça. La section cuivre, ce sont les Van Strudens. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Thank you. surely be learning. Still my guitar gently weeps. Oh, oh, Harry. So it's okay, I sang, tried to do a smoky and I just aren't smoky. Une chanson d'amour pour la femme que je vais me permettre de dédier à Alexandra, si elle écoute un jour.

l'intégralité de Abbey Road. Seulement RIG vous propose l'intégralité d'Abbey Road.

à tous et à toutes. Bonne soirée avec Eric. Je sais que ça va être très très bien. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye et à très bientôt. Yeah.